Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? You? On a toujours slip. C'est vrai que je suis célibat. Ah bah ouais, ça mec. Hein. Ah. C'est comme ça mec. Ça fait chier d'être célib. Ouais mec. Tonton interdit. Ouais papé. Papé? J'ai plein de questions. Plein de questions que je me pose. Plein de questions on se pose. Pourquoi? Pourquoi je suis célib? Ouais, pourquoi moi? T'entends, sais pourquoi? Non, je sais pas, désolé. Pourquoi il me fuit? Je suis pas si moche que ça quand même. Tu me fuis? Ah si, bah peut-être. Faut voir. Ah, je suis con peut-être. Ah, peut-être aussi. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je continue que pour être ami, je serai. Peut-être aussi. J'ai le destin. Faut le dire. Ouais, on peut croire. Je mais comme, c'est Krynios. Arrête. On m'aide ou pas? Je sais pas. Bon. Non, le dit, ça serait. Bah, les filles, en tout cas, voilà, hein. Je suis là, moi. Les filles! Plein de questions que je me pose parce que l'amour, j'ai l'impression qu'elle me fuit ou elle me laisse une pause. Est-ce que je dois me dire attention? Car j'en ai marre de courir derrière ce qui me fait souffrir. Une fille, un amour, j'y voudrais bien un jour retrouver ce bonheur pour effacer mes malheurs. Car pour l'instant, rien qu'en y pensant, ma vie est banale et je n'ai que 20 ans. Alors faut dire et me décrire comment retrouver la perle rare. Cette fille unique à mon cœur et si chère à mon âme. Bien sûr, cette fille serait aussi précieuse que ma famille. Oh. Je serais le cœur de l'océan. Quoi? Pour elle, je serais plus grand. Bon, c'est vrai qu'elle voudrait pas aussi cher que le cœur de l'océan. Ah, c'est vrai, t'abuses. Alors, faudrait comprendre et aussi t'apprendre. Une fille, ce n'est point un objet, mais un être de l'humanité, ah comme bon toi et moi. Mais alors, je lui dis quoi? Que je lui dirai je t'aime et mais vivre t'abuses, avec là, elle. Mais t'es ouf ou quoi? Mais c'est dur. Car après cette cassure avec mon ex, cette pétasse qui pétasse maintenant mon cœur chasse, la perle rare qui pourrait m'aimer, si ce n'est que toi, bien sûr tu peux aimer. Une musique en rythme, c'est comme un poème en rime. Oh là là. Il n'y a rien que plus beau qu'un cœur nouveau qui impose sa présence, car pour l'instant trouve que le silence. Oh c'est Mimi. Comment te faire comprendre et comment puis-je t'apprendre? Si ce n'est qu'à l'unisson et là, nous ferions seulement qu'un être. Car pour l'instant on est deux êtres. Mais comment pour le moment où le temps peut-être viendra et j'espère ne se finira pas. Ah bon? Car avec toi ce serait de l'infini. Car ouais, pour moi comme pour toi je suis dans l'oubli. Alors fais-moi comprendre qu'un jour je puisse te prendre. Okay, ton cœur dans le mien en s'enlaçant dans un câlin. Dis-moi c'est ce que je voudrais. Alors dis-moi seulement je t'aime et comment pourrais vraiment commencer à arrête, se connaître tu vraiment. Afin que je puisse t'aimer et te chérir à souhait. Je serais pas le seul qui te prendrait pour une conne. Mais déjà je te prendrais pas du tout pour une conne. C'est clair, tu mais ainsi est la vie où j'attends que tu sonnes à la porte de mon cœur pour oublier mes malheurs, pour qu'on ne trouve pas bonheur. Arrête, c'est dit, je pleure. Alors fais-moi apprendre pour enfin comprendre que l'amour n'est pas si simple comme comment on le dirait tout simple. Tiens. Yeah, yeah. Je suis pas prêt à te lâcher, mais plutôt à t'aimer, comme tu l'as déjà deviné. Je ne peux oublier. Oh puis, de toute façon, je sais pas si je retrouverai l'amour. Hein. Dis pas nain. Ouais. Dis pas nain, bro. Ah, je cherche toujours la perle rare. Peut-être que je l'ai trouvé. Mais je le sais pas. J'espère. Tu veux pas m'aider, t'es sûr? Mais il est craignos le mec. Tu crois que je t'ai aidé ou quoi? D'à côté. Bah oui, c'est craignos d'être célib. T'as ton branlette. Qu'est-ce qu'on s'ennuie d'un côté sans les filles? Ah bon? Qu'est-ce qu'on ferait sans les filles? Bah dis-moi.